think I feel? Is this body play? Is this heart racing? Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Voilà, alors ce soir on va reparler de l'hôpital, hein, parce que la semaine dernière c'était le docteur Jean Tisserand, donc ex-gynécolo à la maternité de Remiremont, j'arriverai. Voilà, on a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue ce soir. Alors, veuillez nous en excuser. Et ce soir, je voudrais quand même parler de l'hôpital en général. Hein, on a parlé la semaine dernière qu'on avait donc participé à un rassemblement à Paris de la coordination nationale des hôpitaux et des maternités. Puis à côté de nous, il y avait aussi la coordination nationale des services publics, hein, qui bien sûr est concernée par le problème hospitalier aujourd'hui, les suppressions d'emplois dans ce domaine-là, les économies, etc., la suppression de services. On en parle des meilleurs. Mais ce soir, je voudrais revenir sur le monde hospitalier en général. Et j'ai déjà cité mardi dernier donc Philippe Halimi et Christian Maresco, hein, hôpitaux en détresse, patients en danger, abus de pouvoir, harcèlement, suicide, arrêter le massacre. Hein, c'est donc deux auteurs qui ont voulu parler des hôpitaux et des patients, de ce qui se passait dans les hôpitaux avec la loi patient, etc. Surtout la médecine à l'acte dans les hôpitaux, la performance, la recherche de performance, la recherche surtout d'économie au niveau des hôpitaux, où tout le monde paye la note finalement. Bien sûr, on assiste à Remiremont à des tentatives de restreindre au maximum les services, hein, de délocaliser la cuisine, le ménage en particulier, et puis de ne plus assurer la permanence des soins 24 heures sur 24 dans certains services. Donc dans ce problème de l'hôpital de Remiremont, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas un cas isolé en France, on s'en fout, et qu'il y a de nombreux établissements hospitaliers qui aujourd'hui payent la note, hein, c'est-à-dire les économies qu'on veut faire, que la sécurité sociale, que le gouvernement veut faire sur les hôpitaux. Michel, voilà, faut quand même préciser que c'est pas Remiremont qui veut ça, qui veut sa suppression d'emploi. Ah ben bien sûr que non. Hein. Encore que le directeur aujourd'hui a prévu un plan qui sera d'ailleurs exposé. Ce plan qui était tenu secret, hein, va être exposé lors de la conférence publique au centre Gilbert Zog, donc lundi soir à partir de 20h30. Et tous les citoyens du secteur, bien sûr, de Remiremont, des Vallées, sont invités à y participer. Oui. Bien sûr, les élus sont les relais d'information, puisque de toute façon, les élus sont concernés, hein, par rapport, étant donné qu'ils sont élus de leur collectivité territoriale et que les citoyens sont tous intéressés par ce qui se passe à l'hôpital de Remiremont. Ils sont tous intéressés pour deux raisons essentielles. La première, bien sûr, le nombre d'emplois que ça représente. Ça représente 1000 emplois, dont 850 emplois permanents, emplois à temps complet. Et donc, un potentiel économique très important. Et puis, d'autre part, bien sûr, c'est quand même un établissement hospitalier de proximité qui faisait à peu près tout. Bien sûr, des spécialités qui avaient disparu de Remiremont, ou du moins qui étaient difficiles d'accès à Remiremont, mais on avait tout, tandis que demain, que ce soit au niveau des urgences, au niveau de, au niveau de la cardiologie, par exemple, pour ne citer que ces cas-là, on risque d'avoir véritablement la permanence des soins qui n'est plus assurée 24 heures sur 24. Et là, ça sera très, très difficile puisque les patients seront acheminés sur Épinal ou Nancy. Mais il faut préciser que c'est pas Remiremont qui souhaite ça. Le directeur actuel. Il ne faut pas l'oublier, le directeur actuel avec les groupements hospitaliers, le directeur actuel, il est directeur d'Épinal, de Remiremont, mais aussi des établissements, des EHPAD, enfin des établissements hospitaliers de la Haute-Vallée de la Moselle. Voilà, il fallait préciser. Et c'est lui, avec l'ARS, qui développe un plan aujourd'hui de suppression d'emplois, de suppression de services à l'hôpital de Remiremont. Voilà, donc il faut savoir que c'est pas Remiremont qui demande ça. Sinon la direction de l'hôpital. Qui est complice de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est certainement pas les salariés qui demandent ça. Voilà. Certainement pas non plus les élus du secteur. Après, je te laisse parler, Michel. Mais en fait, les personnes, il arrive que les personnes râlent. Oui, l'hôpital de Remiremont, on attend, il se passe ci, il se passe ça. Il y a des patients qui râlent, mais finalement, ils s'en prennent aux mauvaises cibles. Parce que les médecins qui sont en petit nombre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si à la place de 4 médecins, il n'y en a que 2? Je veux dire, les patients seront moins bien soignés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions, puis on en a entendu parler, on va en parler avec le Centre 15 et puis les urgences en général. Ce qu'il faut savoir par rapport aux urgences, il y a certains patients qui ne relèveraient pas des urgences. Comment le savoir? Il faut bien que, quand ils arrivent aux urgences, qu'ils soient examinés et puis renvoyés vers leur médecin. Mm-hmm. En attendant, et puis pour les cas les plus lourds, ceux qui demandent vraiment des urgences, qu'ils soient dès le départ pris en charge et puis qu'il y ait un nombre de lits suffisant qui n'attendent pas dans les couloirs. Alors on cite des cas, bien sûr, des personnes attendent 4 heures aux urgences. Ben oui, il y a un manque d'effectifs. Mais alors, que sera demain s'il n'y a plus d'urgence de nuit à Remiremont? Quand on sait qu'à Épinal, en période de canicule, par exemple, il y a des personnes âgées qui se trouvent mal, elles ont attendu quelquefois 12 heures pour être soignées à l'hôpital d'Épinal, à l'hôpital de la ZUP, à Durkheim. C'est ça qu'il faut savoir. Alors si on supprime les urgences à Remiremont, les urgences de nuit, inutile de vous dire que ça va être terrible au niveau d'Épinal après. Parce que Épinal va récupérer le trop-plein de Remiremont, si on peut le dire. Et après, il sera certainement obligé d'acheminer des patients vers Nancy, en sachant bien aussi que les systèmes de garde, comme Medigarde, ne remplissent pas vraiment leurs fonctions, souvent. Mmh. Puis le centre 15 est débordé également. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, les personnes qui, je les comprends, qui se plaignent qu'il n'y ait plus d'ophtalmo, de dermatologue et tout ça. Mais c'est pas à l'hôpital de Remiremont qu'il faut s'en prendre, c'est à l'ARS, c'est à ceux qui, comme tu disais, que le docteur Jean Tisserand disait si bien, qui déshabille Remiremont pour réhabiller Épinal, c'est-à-dire il n'y a plus d'ophtalmo, il n'y a plus de dermato. C'est pas sûr que ça va beaucoup, habiller Épinal. Puisque de toute façon, ce qui va se produire, c'est que les lits qui sont supprimés à Remiremont ne seront pas forcément, on les retrouvera pas forcément à Épinal, et les deux hôpitaux seront engorgés, hein, il faut pas se faire d'illusions. C'est sûr qu'Épinal va déshabiller en partie Remiremont, mais Épinal va se faire déshabiller par des plus grands centres demain, hein. Ça veut dire qu'en cardiologie, par exemple, ils risquent de ne plus avoir qu'un suivi des soins, et les patients acheminés directement vers Nancy, ou d'autres établissements hospitaliers ou privés, parce que ça craint. Ça craint, hein, parce qu'on sait très bien, on en a parlé longuement mardi dernier sur la permanence des soins, sur les cas de cardiologie quand même qui sont particulièrement graves, et l'intervention rapide, il y a des patients qui laisseront leur peau, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ARS, l'agence de... Alors, maintenant, tout le monde l'appelle, sur le secteur de Remiremont, l'agence de réduction sanitaire. cette agence régionale, hein, qui est composite, hein, qui a aussi des élus, il y a aussi des syndicats, il y a tout le monde dedans. Cette agence, en réalité, c'est surtout un repère de technocrates qui met en œuvre les directives du gouvernement pour faire des économies et puis donc diminuer la capacité des établissements hospitaliers, hein, sans chercher à comprendre les besoins de la population. Je crois que c'était démontré très bien par Jean Tisserand, le docteur Tisserand, mardi dernier. Mais alors Michel, je dis juste une phrase, je te laisse parler tant que tu veux après, mais moi j'ai hâte de découvrir la fin de ton livre, les auditeurs ils vont avoir une surprise. Parce que apparemment il y a des solutions, mais on va commencer. Tu vas pas nous parler de ce qu'il y a dans certaines solutions. J'en parlerai dans ma chronique, voilà, hein, ouais, dans ma chronique qui passera jeudi matin. D'accord. Voilà. Non, mais ce que je voudrais revenir, c'est un petit peu sur le 15. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre 15? C'est celui qui reçoit les appels d'urgence. Et qui va intervenir à domicile ou va faire intervenir par exemple les pompiers pour transporter un blessé, un malade, vers l'établissement référencé le plus proche. Alors, cette histoire, c'est en Seine-et-Marne, hein, que ça se passe. Ça s'intitule « Le 15 ne répond plus » ou « Les urgences sacrifiées ». C'est l'auteur de ce passage, c'est le docteur Thibault Lio, qui apporte son témoignage personnel par rapport au... Il est médecin urgentiste en Seine-et-Marne, et qui apporte son témoignage par rapport à ce qui s'est passé au centre 15 et dans son établissement. Alors, il écrit « C'est l'histoire d'une passion brisée, celle d'un médecin qui, depuis son adolescence, rêve de porter secours. Thibault Lio va passer 13 ans à l'hôpital de Melun en tant que chef de pôle urgence du SAMU SMUR de Seine-et-Marne. Alors SAMU SMUR, c'est le service d'aide médicale d'urgence, service mobile d'urgence et de réanimation. Redire, Michel, SMUR, c'est service? Alors, le SAMU, service d'aide médicale d'urgence, ouais, hein, c'est les urgences à domicile. Oui. Hein, c'est les urgences, pardon. Et le SMUR, c'est le service mobile, c'est-à-dire quoi? Les urgences qui vont au domicile. Vont sur un lieu d'accident. D'accord. C'est le service mobile d'urgence et de réanimation. Hein, c'est-à-dire, c'est des véhicules rouges qu'il ne faut pas confondre avec celui des pompiers, parce que les pompiers ne sont pas habilités, par exemple, à se déplacer pour donner des soins d'urgence. Ouais. Hein, ils vont évacuer les blessés à l'occasion de donner des premiers soins. Hein, mais quand c'est quelque chose de plus grave, qu'on appelle le centre 15, c'est bien le SMUR qui intervient. Et le SMUR est directement rattaché à l'hôpital. Il y a un SMUR qui est rattaché, par exemple, à l'hôpital de Remiremont. Voilà son credo, porter secours aux plus fragiles, à celles et ceux dont la vie ne tient qu'à un fil, à un coup de fil, à un diagnostic immédiat, à une décision pour accomplir un geste approprié. Alors quand on sait ce qui s'est passé par exemple à Strasbourg récemment, hein, avec une personne qui était de permanence et qui a négligé complètement, qui a remballé, permettez-moi l'expression, une dame en lui disant, la dame lui disait, je vais mourir, elle dit, comme tout le monde, à son heure. Parce qu'elle lui a dit, Michel... et puis elle n'a pas été soignée, puis elle est morte, elle est morte. Hein. Moi, je connais une personne qui faisait un AVC. Et dans le, c'était le SAMU. Je sais plus quel organisme c'était. Mais on lui a dit, mais non, madame, vous ne faites pas un AVC, vous faites une crise d'angoisse. Et c'était bel et bien un AVC, c'était une alerte AVC, mais... Mais après, on peut pas leur en vouloir, ils sont sur tous les fronts, ils passent du temps, ils ont du mal. Et ils ont aussi des instructions pour trier un petit peu les urgences, parce que les urgences sont débordées. Mais oui. Et puis on néglige véritablement le patient, on ne croit pas à sa souffrance, enfin de ne pas y croire. Et puis, arrive une catastrophe comme celle de Strasbourg. Des cas comme ça. Alors, le docteur Thibault Liot de poursuivre ses valeurs, cette exigence de qualité du soin, il les portera haut, si haut qu'un jour on l'obligera à partir. En pleine période d'attentats en France, les attaques à Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher début janvier 2015, il dénonce des dysfonctionnements graves, notamment dans le centre de régulation de l'hôpital, où, par manque de personnel, les appels de patients restent sans réponse. Il n'y a personne au bout du fil. La direction de l'hôpital ne pardonnera pas à Thibault Liot cette imprudence. La violence avec laquelle il sera écarté l'a d'ailleurs meurtri, qui a décidé de ne plus travailler dans un hôpital public et de se battre pour que justice passe. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, justement, quand on parle un peu du cas de Strasbourg, on se retrouve... on ne se retrouve pas sur le même registre, mais ça peut servir de leçon. Alors voilà l'histoire, je la livre, c'était en mai 2015, je me souviens. Je remonte dans ma voiture garée sur le parking face au centre hospitalier de Melun. J'y travaille depuis plus de 12 ans et pourtant je suis contraint de quitter avec mes affaires dans un carton sous le bras. Ma tristesse est profonde. Car en m'éloignant de ce lieu où j'ai assouvi ma passion de soigner, de sauver, je sais que je quitte définitivement l'hôpital public. Mon parcours de vie est intimement lié à mon métier. J'ai choisi la médecine d'urgence à la fin de mes études. Dès l'âge de 14 ans, je suis des formations au premier secours. J'apprends les gestes qui sauvent. Je veux être utile. Quand j'entreprends mes études de médecine, je sais déjà ce que je veux faire plus tard. En me poussant dehors, la direction du centre hospitalier de Melun m'empêche non seulement d'exercer mon métier, mais elle brise mon rêve et ma vocation. C'est la fin et je vois défiler, comme dans un flashback, cette femme en détresse respiratoire que nous avons sauvée. Le soulagement de cette maman après la crise de laryngite de son enfant. La main pâle de ce jeune que je serre dans sa voiture broyée. Les larmes de cette dame âgée à qui je viens d'annoncer le décès de son mari après 70 ans de mariage. Le regard d'un gamin blessé par arme blanche qui a peur de mourir. Je revois ces courses folles de nos ambulances avec le silence grandissant à mesure que nous approchons du lieu d'intervention. Je repense à ces partages d'émotions, de joie après une intervention réussie et de peine quand nous n'avons rien pu faire lors de ces situations tristes ou malheureuses. Mais pour moi, c'est fini. Je ne supporte plus de voir un hôpital transformé en usine, où les soignants sont des tâcherons, des machines, où le soin devient un produit qui doit rapporter. Le patient, un client qui se doit d'être rentable. Un hôpital où l'empathie, le respect, l'attention, l'écoute sont sacrifiés, car non facturables, et donc considérés comme une perte de temps. Je suis un homme de terrain. Les situations de stress peuvent provoquer de la panique, une envie de fuite. Chez moi, ces situations favorisent ma concentration et mes prises de décision. Dès 2002, j'intègre le SAMU départemental de Seine-et-Marne. 2 ans plus tard, on me demande de mettre en place un CESU, un centre d'enseignement des soins d'urgence. On y apprend les gestes des premiers secours pour le grand public, mais aussi les gestes de soins face aux situations d'urgence vitale et les risques collectifs pour les personnels soignants. L'année suivante, des responsabilités supplémentaires me sont confiées. L'organisation des exercices d'entraînement préfectoraux, je participe aux astreintes de direction du service en tant que DSM, directeur des secours médicaux. Un service de SAMU est opérationnel 24 heures sur 24. Et je participe donc au tour de garde, jour et nuit, week-end et jours fériés. Quand j'ai été nommé chef de service en septembre 2013, cela fait 10 ans que j'exerce dans le service. Un mois plus tard, je suis nommé chef de pôle des services de SAMU, SMUR, réanimation et urgence. Très vite, je vais noter des dysfonctionnements au sein de l'hôpital, avec des répercussions directes sur les services. En réalité, je me sens être un faux-né, un passe-plat. Je dois appliquer des décisions et des choix décidés par la hiérarchie, sans que je sois consulté en amont, et assumer les conséquences et les responsabilités si ça ne marche pas correctement. Cela ne correspond pas du tout aux fonctions de chef de service et de chef de pôle mentionnées sur l'arrêté de nomination pour lesquels je me suis engagé. Selon moi, ce fonctionnement est une des conséquences directes de la loi HPST, c'est-à-dire hôpital, patient, sécurité, je ne sais plus. Le responsable se défausse sur le subalterne qu'il peut briser quand il le veut. Personne ne le lui reprochera. Deux mois après ma nomination, un de mes assistants vient m'avertir. La directrice des soins, qui est responsable des personnels paramédicaux de l'établissement, a fermé une équipe de SMUR parce qu'il y a un médecin en arrêt, maladie ce jour et un véhicule en panne. Une fermeture pour 15 jours en pleine période de Noël pour un absent et une batterie à plat qu'il suffit de recharger. Je crois rêver. Et me demande immédiatement comment une telle décision a pu être prise sans que j'en sois informé. Je demande à prendre rendez-vous avec le directeur pour lui faire part de cette situation. En réponse, je ne suis pas invité, mais convoqué par la direction. Le confrère qui m'avait fait part de cette situation n'est pas convié et je me retrouve face à 4 responsables de l'hôpital. Le directeur, en me serrant la main, me dit: n'oubliez pas que vous êtes un chef de service et de pôle à titre provisoire. Et m'attaque sur la gestion du pôle. Docteur Rio, vous ne croyez quand même pas que l'on va payer des heures sup? Mais on va rentrer dans une période d'épidémie et de vacances scolaires, vous le savez, et on a besoin de tout le monde sur le pont. Si vous organisez mieux, la qualité des soins sera là. Je viens de comprendre. C'est d'un conflit éthique qu'il s'agit. En tant que médecin, je suis soucieux d'une qualité de prise en charge médicale des patients. Certes, dans une maîtrise des coûts, et je suis face à quelqu'un qui n'avance que des arguments financiers. Ces différences vont se multiplier par la suite. À chacune de mes requêtes, la direction répondra non et restera silencieuse dès l'instant qu'il y aura une dépense à assumer. Je propose un jour d'acheter une table à masser. C'est une machine très utile pour les accidents cardiaques, par exemple. Elle peut masser plusieurs heures, s'il le faut, avant que le patient soit pris en charge d'un service compétent. Cette table coûte environ 15 à 20 000 euros. Lors d'un entretien, le directeur me dit: « Pourquoi j'achèterais ce matériel? On ne fait pas de greffe, on n'a pas de service de réa cardio, Melun. Je ne vais pas acheter une machine qui ne va pas servir à faire des bénéfices. » Cette machine est amortie en un patient sauvé. Docteur Lio, au-delà des frontières de mon hôpital, que ça ait de l'humanité, ce n'est pas mon problème. Après plusieurs jours de négociations et avec l'aide d'autres confrères, le directeur acceptera que cet achat se fasse sur les recettes excédentaires du CESU. Mais l'outil le plus précieux dans un service du SAMU, c'est le téléphone. À l'époque, l'hôpital de Melun n'est pas équipé en téléphonie numérique, mais analogique. Une technique archaïque qui ne nous permet pas d'installer ce qu'on appelle une salle d'attente virtuelle. Priorité est donnée aux patients les plus gravement atteints, sans toutefois bloquer les appels entrants. Ce système de téléphonie ancien ne permet pas un auxiliaire de régulation médicale du SAMU de gérer plus de 2 ou 3 appels en simultané. Plusieurs fois par jour, les régulateurs, c'était le cas à Strasbourg, ne peuvent pas répondre à tous les appels arrivant au SAMU Centre 15 du département de Seine-et-Marne. 2 personnes manquent et vous perdez 25% des appels. Quand on voit Puis encore, quand les appels arrivent, c'est pas sûr qu'on soit bien reçu. Voilà, mais là, c'est la Seine-et-Marne, mais on peut rapprocher ça de Strasbourg ou même d'Épinal, hein. Je me souviens, alors je fais un aparté là, par rapport au témoignage du docteur Liot. Hein, je me souviens quand même d'un dossier que choisir. Mais dans certaines régions de France, par rapport aux urgences, il valait mieux pas habiter. parce que justement, il y avait des défaillances. Alors que dire aujourd'hui? Hein, c'est un dossier quand même qui date de 3 ou 4 ans en arrière, hein, dont j'avais fait part à la radio locale lors d'une de mes émissions. Et que dire aujourd'hui, où on supprime de plus en plus de services, où justement les urgences sont encore beaucoup plus débordées qu'avant, par manque aussi de médecins généralistes de permanence en particulier. Voilà, alors le docteur Liot de poursuivre. Je me souviens de ce Noël 2013. J'ai 15% d'absents parmi les auxiliaires de régulation médicale, alors que je suis déjà en déficit de personnel. J'alerte le directeur avec lequel je négocie des heures supplémentaires pour compenser ces absences. C'est un chemin de croix. Il ne veut pas les payer. Quelques jours plus tard, je reçois un message du service qualité. Madame Untel se plaint de n'avoir eu personne au bout du fil en appelant le SAMU. Un patient affirme qu'il a dû attendre 5 minutes avant qu'un agent lui réponde et un autre a finalement appelé les pompiers parce que personne ne répondait dans votre service. Je ne suis pas responsable de cette situation, mais c'est moi qui dois répondre à ces courriers de réclamation. Il me semble que le SAMU exerce une mission d'intérêt général et le budget alloué par l'ARS Île-de-France fait partie d'une enveloppe globale avec laquelle je dois me débrouiller. Il m'arrive d'aller négocier tel ou tel poste directement à l'ARS. Je demande des moyens supplémentaires sans trop y croire. Et j'ai raison. Et là, on me répond invariablement. Il faut faire des économies dans la perspective de la construction du nouvel hôpital. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est les patients d'ici, c'est l'hôpital d'ici qui va payer la construction du nouvel hôpital à Épinal. Il n'y a rien à faire. Il y a un effet de vase communicant et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a un directeur qui fait les deux établissements et même au-delà. Je finis par me faire une raison, dit le docteur Liot. J'ai bien compris que pour la direction, le seul objectif est ce nouvel hôpital, mariage inédit entre un établissement public et une clinique privée. Ça aussi, ça nous rappelle quelque chose, parce qu'il y a question de public-privé avec la clinique d'Épinal, qui doit être opérationnelle en 2018. Ah, ça bien sûr, quand c'était écrit, c'était cette année, quand ce livre a été écrit, c'était 2015, je crois. Selon moi, c'est le bâton de maréchal du directeur, une question de prestige, et une fois le nouvel hôpital ouvert, il sera promu. Bah, bien sûr, hein, c'est des gens, des fonctionnaires qui sortent de Polytechnique ou d'ailleurs, hein, qui sont très bien payés, qui ont beaucoup de responsabilités, mais qui ont complètement oublié l'humain, quoi. Mmh. Hein, d'ailleurs, le directeur actuel nous traite de menteur, alors que c'est lui-même qui prévoit un plan. Il dit que c'est pas vrai, en plus. Mmh. Ah, il traite les gens d'ADEMAT de menteurs. Quand on en arrive là, on peut se demander quand même quel est le rôle d'un directeur. C'est bien d'étouffer, d'étouffer ce qui se passe, en réclamant d'ailleurs le secret des délibérations, alors que c'est des délibérations publiques et que ceux qui assistent à ces délibérations doivent logiquement parler à ceux qui les ont mandatés. Mais n'empêche, non, on veut conserver le secret sous les mauvais coups. Hein. On cultive le secret dans les établissements publics maintenant. Alors, je ne parle pas du secret sur les personnes, parce que ça, c'est obligatoire. Je parle du secret des organisations. Oui, tu voulais... De ce qu'ils doivent annoncer, quoi. De ce qu'ils doivent annoncer comme... Ben, dans le futur COPIL de l'hôpital de Remiremont, c'est COPIL, c'est le comité de coordination, il y a tout un plan de suppression, effectivement, de services, d'emploi, de délocalisation, de... On est comme dans une entreprise, on délocalise, on externalise des prestations comme le gardiennage, comme le ménage, comme la cuisine, etc. Et c'est partout pareil. Ça ne reviendra pas moins cher, mais c'est une nouvelle méthode de gestion qui est héritée des grandes entreprises capitalistes. Michel, voilà. Il y a peut-être quand même parmi tous ceux qui nous traitent de menteurs et qui sont menteurs eux-mêmes. Ah ben bah oui, bah, parce que des... pour retrouver oui. plus pour déformer les faits comme le fait le directeur de l'hôpital local, hein, enfin des deux hôpitaux là, il faut chercher quand même loin. Mmh. Voilà. Il y a peut-être aussi des directeurs qui sont humains mais oui. qui agissent sous la pression. Ah ben bien sûr. Parce que bon, apparemment. Pression des ARS, pression du ministère. Apparemment, à Espinal, Nancy, c'est vraiment des menteurs. Mais il y a peut-être. Ne sait pas. On ne sait pas trop s'ils agissent sous pression. Si le plan aujourd'hui pour l'hôpital de Remiremont, qui sera dévoilé lundi soir, hein, qui a déjà été dévoilé à nos micros par le docteur Tisserand d'ADEMAT, et est-ce que véritablement ce plan, qui en est l'auteur, est-ce que c'est l'ARS, est-ce que c'est le directeur local? Il faut croire que c'est une entente entre les deux. Hein, c'est-à-dire que le directeur local, le directeur du GHT, du groupement hospitalier territoire, directeur du GHT, il est là pour appliquer les directives certainement de l'ARS, de l'Agence régionale de santé ou de réduction sanitaire, comme on veut, et puis les plans du ministère, quoi. Oui, puis il doit sortir d'autant plus fort que le personnel ne peut pas faire grève. C'est un métier où on peut pas faire grève. Il y a des patients qui ont besoin de soins. Ils vont pas mourir pour une grève. Il y a pas, les gens qui se mettent en grève. Il y a pas ce moyen de pression. Il faut la permanence des soins malgré tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller manifester parce que les employés ne peuvent pas faire grève. Oui, il y a ça aussi. Ils peuvent juste mettre un brassard en grève, ils peuvent juste sur leur loisir se mettre en grève, mais ils peuvent être réquisitionnés, même s'ils se mettent en grève, même s'ils sont dans des services annexes qui ne sont pas des soignants, ils peuvent être réquisitionnés par le directeur de l'hôpital, hein, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut les soutenir, il faut être beaucoup à la manifestation. Il ne faut pas se laisser faire, quoi, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, pour un hôpital, parce que ils sont en déficit, ok, mais... Alors, je poursuis, hein, parce que l'heure tourne rapidement. Oui. Donc, docteur Lio dit du directeur, il affecte donc l'argent comme bon lui semble, alors que des postes supplémentaires sont nécessaires. Toutes mes demandes sont rejetées. Et pourtant, compte tenu du nombre d'appels toujours plus nombreux, il manque au SAMU une dizaine de médecins. Nous sommes une trentaine et c'est insuffisant. Voilà, cette première partie, hein, parce que bien sûr, il va citer des cas, 2015, etc. Le 15 ne répond plus. Et je ne sais pas, j'ai essayé quand même d'arriver jusqu'au bout de ce témoignage, parce que pour voir comment fonctionnent les urgences, et puis que nos auditeurs comprennent bien ce qui peut se passer demain. Hein, aujourd'hui, déjà, le SAMU, le SMUR, c'est largement insuffisant par rapport aux urgences. Heureusement qu'il y a aussi le concours des pompiers. Hein, en particulier, parce qu'autrement, ce serait une véritable catastrophe sanitaire, souvent. Et d'ailleurs, les pompiers ont bien conscience que si les urgences à Remiremont elles disparaîtront pas. Hein, il ne faut pas croire, elles disparaîtront pas, mais sont vraiment, pour la partie congrue, qu'il n'y a plus de permanence de nuit, qu'il n'y a plus rien, à terme, c'est eux qui vont dérouiller le plus. Hein. Et puis alors, avec une responsabilité grave d'acheminer des patients vers Épinal qui risque d'être engorgé, d'aller vers Nancy ou je ne sais pas où. Hein, puis quand on sait aussi que tout ce qui est transport en hélicoptère pour les urgences, c'est de plus en plus, on pourrait dire, en balance. Hein. On peut craindre quand même, pour les gens qui habitent nos vallées, le fin fond de nos vallées, on peut craindre pour leur vie. Hein. Et justement, ADEMAT se propose aussi de faire des procédures, chaque fois que les familles voudront, soutenir des procédures devant les tribunaux pénaux, hein, pénal, la juridiction pénale, si jamais il arrive un accident grave. Hein, parce que c'est absolument inadmissible ce qui se passe aujourd'hui en France, et puis plus particulièrement sur le secteur de Remiremont. Hein, avec pourtant un plateau technique neuf, Hein, et puis des chirurgiens de très bon niveau qui exercent actuellement à l'hôpital de Remiremont. Michel, j'ai une question à te poser. Dans une autre région, ça a peut-être eu lieu déjà qu'il y ait eu un accident. Alors, et comment ça s'est passé? Par exemple, là, le docteur Lio en parle, oui. En parle au niveau du 15. Thibault Lio en parle dans son livre. Ah, mais bien sûr, il y a des accidents qui sont produits. Donc là, il y a des procès. La responsabilité retombe sur le service. Le service est couvert par le directeur de l'hôpital, qui lui-même est couvert par l'ARS. Et puis les procédures, elles durent des années et des années. Puis ça aboutit ou ça n'aboutit pas. La plupart du temps, on a vu même des accidents qui étaient reconnus. Était reconnu par le médecin qui avait... Bah oui, tout le monde fait des erreurs. Qui était reconnu par le médecin. Et puis au bout du bout, devant les tribunaux, le patient qui avait été lésé n'arrivait pas à obtenir raison. Et ça c'est des procès qui durent des années, avec des expertises. Et quand on sait un petit peu le peu d'indépendance des experts en France, d'ailleurs c'était noté par la Commission européenne, enfin par la Cour européenne de justice, en général, les experts font des expertises un peu pour tout le monde, y compris pour les hôpitaux, etc. Donc, comme ils veulent pas perdre leur place, enfin leur clientèle, j'allais dire, justement, ils donnent systématiquement tort aux patients. Il faut véritablement des avocats qui sont spécialisés là-dedans et puis qui peuvent connaître des experts qui peuvent contredire les experts du terrain pour réussir à faire aboutir un dossier. Je dis, on a vu des cas où même quand le docteur reconnaît son erreur, puis l'erreur est humaine, le docteur a assuré, l'établissement a assuré, l'établissement ne veut pas reconnaître, et l'ARS ne veut pas reconnaître l'erreur médicale. Oui, mais là, l'erreur, elle serait humaine. C'est un médecin qui a fait l'erreur. Mais là, il s'agit d'une erreur, d'une erreur d'organisation, oui. Organisationnelle. Voilà. C'est une erreur, erreur de système. Bon, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Ce sera peut-être la seule au cours de cette émission. En 1942, alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit d'avancer. Sergent dit où mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit d'avancer. Sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. En avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con dit avancer. Soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort battant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con allait avancer. De cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à... Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne, nous parlons bien sûr d'un témoignage d'un médecin, d'un chef de service du Centre 15. Hein, je vous rappelle un petit peu, c'est le SAMU, le SMUR, hein, c'est-à-dire c'est les urgences, soit les urgences à domicile, soit le transport des blessés et des malades. Alors, je disais en aparté que je réservais quand même la meilleure pour la fin du témoignage du docteur Thibault Liot. Hein, donc, il était chef de service des urgences du Centre 15 à Melun. Le 9 janvier 2015, c'est quand même une date que tout le monde peut retenir, hein, le drame. Ouais. Le jour où tout va basculer pour moi qui ai dû. Deux jours avant, la France est horrifiée par l'attaque terroriste des frères Kouachi contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et deux frères en fuite se réfugient dans une imprimerie à Dommartin, en Gaule, à l'est de Roissy. Comme tous les services de secours, nous sommes alertés et j'interviens en tant que directeur des secours médicaux sur place. J'apprends à mon retour à l'hôpital qu'un cadre a renvoyé les personnels du SAMU-SMUR qui étaient venus spontanément pour lever des équipes supplémentaires et pour aider dans le service avec un argument masu. Rentrez chez vous, on ne payera pas les heures supplémentaires. Non. Pour ces agents, l'argent n'avait aucun rapport avec leur présence. Dès qu'ils ont entendu que les deux terroristes étaient en Seine-et-Marne, ils ont rallié l'hôpital. Certains n'ont pas obéi et sont restés. Je suis stupéfait qu'une cadre ait pris cette initiative incroyable. Plusieurs membres du SAMU témoignent par écrit de ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Ceux qui ont osé subiront des représailles par la suite, et certains, depuis, ont quitté l'hôpital de Melun. Je transmets l'ensemble de ces courriers fin janvier 2015 au directeur, au président de la commission médicale d'établissement et à cette cadre de santé. Une semaine plus tard, alors que le plan Vigipirate vient d'être renforcé en pleine épidémie de grippe, je suis destitué de la chefferie du pôle et un nouveau chef venant de la réanimation est nommé. Je garde le titre de chef de service du SAMU, ce qui n'a aucune valeur, puisque je n'ai plus le droit de prendre la moindre décision, même opérationnelle, pas même les plannings ni les congés. Tout va très vite. Courrier le 3 février 2015, pour une convocation le lendemain en vue de ma destitution. La scène du 4 février est surréaliste. Je me présente devant le directeur et le président de la CME, accompagné d'un confrère. La CME, c'est la commission médicale d'établissement, hein, j'ai oublié de le préciser. Accompagné d'un confrère. Celui-ci ne sera pas autorisé à rester. Les deux, face à moi, m'accusent de ne pas faire correctement mon travail, de remettre en question une des cadres de santé, d'avoir refusé un audit que j'ai pourtant signé et préparé, d'envoyer sur le terrain des internes sans médecin senior, ce qui est autorisé dans le Code de la santé publique, et c'est encore le cas aujourd'hui de manière plus fréquente. Autant de fausses accusations. Ouais. Si j'avais fauté, le Centre national de gestion aurait dû être saisi, ce qui n'a pas été le cas. Je conteste ce qui m'est reproché, mais mon sort est déjà scellé. L'attitude de mes collègues dans l'hôpital en est la meilleure preuve. Il y a ceux que je croise qui ne me connaissent plus et ne prennent plus le temps de me parler. D'autres m'évitent ostensiblement dans les couloirs. Dans le meilleur des cas, on m'approche discrètement pour me dire « Désolé Thibault, on m'a conseillé de ne plus te parler. » Je traverse l'hôpital dans un silence de mort, tel un ectoplasme. On m'a seulement retiré mes titres, ma fonction, mais aussi ma dignité. Ce n'est pas mon management qui a causé ma perte, mais le simple fait que j'ai osé remettre en question des stratégies aberrantes qui, au bout du compte, provoquent la maltraitance des patients en même temps que celle subie par le personnel. Je dors mal, je perds confiance en moi, je tente de cacher ma tristesse. Je suis devenu le fantôme d'un médecin passionné qui passait 80 heures par semaine à l'hôpital, qui annulait des vacances et qu'on accuse aujourd'hui de ne rien foutre et de stabiliser le fonctionnement de l'hôpital. C'est tellement injuste. Si je mettais un genou à terre, ça leur ferait tellement plaisir. Je dois tenir. Dans un premier temps, pour préserver ma santé mentale, je suis mis en arrêt de travail. Ce qui ne m'était jamais arrivé en 13 années de service dans cet établissement. Avant de partir, car je sais que c'est inéluctable, je me protège. Je viens à l'hôpital tous les jours. Je veux éviter à tout prix la faute professionnelle. Je couvre les accidents, les feux d'immeubles. Je néglige rien. En définitive, je demande ma mise en disponibilité. Je quitte définitivement l'hôpital de Melun en mai 2015. Aujourd'hui, je vis mon deuil. Je ressasse, même si je commence à y voir plus clair. Voilà donc un témoignage quand même de ce qui peut se passer. Comment s'étonner alors qu'il y a des gens qui pètent les plombs et puis qui reçoivent mal, hein, là c'est une opératrice, hein, c'est effectivement une opératrice qui a manqué de discernement complètement par rapport à un cas à Strasbourg. Mais dans des mentalités comme ça, il ne faut pas s'étonner que des dysfonctionnements arrivent aux urgences, aux SMUR, au centre 15. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ce témoignage. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui a une valeur humaine énorme. Et qui était complètement. Je pense qu'il souffre et. Qui était complètement mis de côté. Il fait bien d'écrire. Pour raconter son témoignage et nous aider, et aider les personnes à prendre conscience qu'il y a effectivement des dysfonctionnements qui sont graves. Cet exemple de janvier, là, de l'attentat, je crois que c'est... Ah oui, étant donné que... C'est un exemple étant qui étant donné tape, qu'il pouvait y avoir d'autres morts, ouais. Il y avait la fuite des frères Kouachi, il fallait que le SAMU ait un maximum d'effectifs, hein, puisque... Il y a un truc que je comprends pas, il était à Melun et... Ah, d'accord. C'est par rapport à Paris, c'est passé par opérateur. Ah ben oui, mais non, parce que les frères Kouachi fuyaient, ils sont réfugiés à l'est de Roissy, donc ce territoire de la Seine-et-Marne. Ils pouvaient à tout moment commettre un attentat ou bien se défendre, avoir des blessés, etc., etc. C'est pour ça qu'il avait réactivé les équipes, les gens étaient restés sur place, hein, pour pallier à tout ce qui pouvait se passer, parce qu'on ne pouvait pas savoir qu'il a été arrêté et donc tué. Pour terminer, docteur Lio dit « Je ne le cache pas, j'ai consulté un psychiatre, un homme extraordinaire. J'ai décidé de m'éloigner de l'hôpital quand il m'a dit un jour « Thibault, face à ce type de personnalité, de toute façon, tu perdras si tu restes. Le système privilégie ces gens-là. Il m'a convaincu que mon salut passait par un éloignement de ce milieu pathogène. » Voilà. Au-delà de l'exercice de pouvoir qui permet au directeur de décider seul de votre avenir, il y a l'argent, le moteur essentiel. On l'oublie trop souvent quand on évoque le fonctionnement perverti de nos hôpitaux. Un directeur qui atteint les objectifs financiers qu'on lui assigne touche une énorme prime. de plusieurs mois de salaire, dit-on. Il fera tout pour réaliser les économies demandées, et si par bonheur il réalise des profits, sa récompense sera à la hauteur de l'exploit. Vous rendez compte un peu, on est véritablement dans un directeur d'une multinationale, enfin d'une grande entreprise, qui est très bien payée et qui va toucher des primes suivant ce qu'il va faire comme économie, etc. sur la production, parce que là on parle de production, hein, on parle de clients maintenant dans les hôpitaux, on parle plus de patients, on parle de clients à certains endroits, carrément. Hein. On en est là, c'est-à-dire une gestion du privé, une gestion comme d'une entreprise, l'humain n'existe plus. Et puis quand on voit, par exemple, le mépris que manifeste, je le dis aujourd'hui, parce que je suis quand même membre d'ADEMAT, j'ai assisté à tous les débats, hein, du directeur actuel qui a dit 300 personnes dans la rue, quand il y en aura 2000, on pourra parler. Hein. D'un air de dire, il y a 300, il y avait nombre d'élus, toutes les communes étaient représentées pratiquement, tout le secteur, par des maires et des adjoints, et puis c'était quand même un jour en semaine à 18h, et puis la mobilisation était rapide, enfin quand on dit 300, en réalité, on n'a pas compté ceux qui ont été écartés par la police et puis qui étaient sur le trottoir d'en face, il y en avait peut-être 400. Mais enfin, disons, de toute façon, j'en ai rien à foutre des gens qui sont là, des citoyens qui sont là, des élus qui sont là, j'en ai rien à foutre. C'est ça, en gros, il a laissé entendre ça, le directeur actuel du GHT. Michel, je crois qu'il faut mettre en avant le courage des employés, c'est-à-dire des infirmiers, des infirmières, des ASH, des cuisiniers et tout le monde qui travaille là-bas. Il faut mettre en avant leur courage parce qu'ils gardent le sourire et la patience quand même. Je veux dire, on est soigné à Miremont. Il y a des trucs, j'ai pas le temps, je reviendrai tout à l'heure. Attendez un petit peu, madame, là je suis occupée. Mais ils se battent, hein, ils se battent et c'est pas que ils manifestent pas, ils peuvent pas, mais tous les jours ils se battent dans leur travail. Parce qu'ils essaient que le patient soit quand même traité au mieux. Moi, je pense qu'ils ont de gros, gros problèmes face à ce système et qu'il ne faut surtout pas leur jeter la pierre aux employés. Oui, c'est-à-dire qu'il faut... il nous reste quelques minutes, on peut quand même... je parlerai par expérience, parce que j'ai été administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie pendant de nombreuses années, un quart de siècle quasiment. Et donc, on avait quand même beaucoup de contacts en tant qu'administrateur. On disait administrateur, et puis il y avait un peu plus de pouvoir que les conseillers d'aujourd'hui dans l'assurance maladie, parler des hôpitaux, etc. Je pense que là, on avait inventé la dotation globale pour les établissements. Bien sûr, ce n'était pas parfait comme système, mais au moins ça permettait aux hôpitaux d'avoir un budget global dont ils pouvaient disposer. Et là, on est passé à la médecine à l'acte, en gros. C'est-à-dire en valorisant les actes qui étaient faits à l'établissement. Et là, ça a quand même dérapé. Hein. C'était sous Bachelot. Ça a dérapé. À mon avis, ça a dérapé. Et puis, la loi Bachelot, mais même avant, a donné plus de pouvoir aux directeurs que ce qu'ils avaient autrefois. Alors, c'est pas forcément un mal, hein, parce qu'avant, c'était la toute-puissance médicale qui, elle seule, régulait les hôpitaux. Alors, t'avais des chefs de service qui pouvaient être méprisants vis-à-vis des employés, qui pouvaient être méprisants même vis-à-vis des patients. C'était la toute-puissance médicale. Le fait de donner plus de pouvoir au directeur, à mon avis, a été, à un moment donné, un bienfait. C'est-à-dire que ça a rééquilibré les pouvoirs entre les administratifs, les directeurs, les médecins, etc., où le directeur avait quand même beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Avait beaucoup plus de pouvoir. Là où ça a véritablement dérapé, c'est les fameux GHT, les groupements de territoire, pour faire des économies, pour centraliser les moyens, recentraliser les moyens, et puis surtout cette médecine à l'acte, qui a été introduite dans les hôpitaux, parce que là automatiquement ça donnait beaucoup plus de pouvoir au directeur pour contrôler les actes qui étaient à l'intérieur de l'établissement. C'est-à-dire que les actes qui ne rapportent pas, hein, les actes d'accompagnement, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les hôpitaux privés, on ne va pas faire du suivi des personnes cancéreuses en phase terminale. Hein. Celles-là, on va les mettre dans l'hôpital public. Mmh. Et puis on va faire des actes chirurgicaux qui rapportent, en gros. Hein, c'est ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. La médecine, c'est une industrie comme une autre, etc. La seule différence qu'il y a, c'est que dans les hôpitaux, il devrait y avoir beaucoup plus d'humanité qu'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, avec l'introduction des différentes structures qui ont été mises en place, ben, on arrive à des aberrations complètes, le fait que l'hôpital se déshumanise complètement. Complètement. Ouais, je veux et puis dire la suppression encore de services, une centralisation à outrance, etc. L'hôpital se déshumanise, mais je reviens encore ce que je disais, je ne vais pas le répéter 30 fois quand même, mais je voudrais le redire. L'hôpital se déshumanise, mais les personnes concernées à l'intérieur résistent, Michel. Elles résistent à cette déshumanisation. Elles sont là sur le terrain. Plus ou moins, parce que chacun a sa fonction. Hein, et à partir du moment que tu es payé par l'établissement, tu es bien obligé d'obéir aux directives. Hein. Oui. Si tu dois effectivement, moi je connais une personne qui justement était en contrat dans un hôpital, je ne vais pas citer lequel, et puis qu'a dit à un moment donné, bah, me reprocher de faire preuve de trop d'empathie par rapport aux patients que je suivais. Il y a de quoi être dégoûté. Ah. Mais je crois qu'Arim Irmon, quand je vais voir quelqu'un à l'hôpital, je trouve que les employés, ils résistent. Ils restent quand même de l'humanité en eux et c'est bien rassurant. Je vais terminer par les dires du docteur Lio. Le gâchis humain pour les patients et les personnels est effroyable. Et je suis profondément triste de constater que rien n'est mis en œuvre pour le freiner, bien au contraire. Je suis pessimiste. Je pense que la machine va s'enrayer. C'est même déjà le cas. Voilà pour terminer ce témoignage du docteur Thibault. Bon, ça donne une idée, c'est vrai que c'est un témoignage engagé en quelque sorte. Ouais. Hein. C'est pas la réalité partout, fort heureusement. Mais il n'empêche quand même qu'à partir de ce témoignage-là, on peut se rendre compte un peu de la situation actuelle du centre 15. Oui. Hein, puis des urgences. Ouais. Michel, c'est qu'un des exemples. Hein. Le témoignage du livre de Philippe Halimi et de Christian Maresco fait appel à des dizaines de témoignages, justement. Et puis même des témoignages d'un directeur d'établissement qui, lui, est pris un tour de marteau et l'enclume. Mmh. Hein, souvent. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils subissent la pression, des fois. Ah ben, ils subissent déjà la pression, eux-mêmes. Mmh. Puis s'ils veulent être bien rémunérés, s'ils veulent avoir des primes, mais bon, on supprime des services, on recentralise, on supprime des effectifs, etc. Faut qu'ils soient responsables, quand même. Ils ont une responsabilité, ils sont directeurs d'hôpital, faut pas faire n'importe quoi. Mais ils sont directeurs maintenant de GHT, le Groupement Hospitalier de Territoire. Oh. Voilà. C'est la nouvelle formule, c'est-à-dire qu'on va mettre un directeur, un super directeur pour plusieurs établissements hospitaliers, comme là il y en a 4, hein, puisqu'il y a la Haute-Moselle, hein, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, ben on termine, désolé, hein, en sachant bien que je rappelle pour clôturer cette émission qu'il y aura une réunion publique d'information d'ADEMAT H lundi à 20h30 au centre culturel Gilles Berzeau, gare Remiremont. Tout le monde est invité à y aller, hein, ben, tous les citoyens, les élus, bien sûr, les personnels soignants, etc., pour se rendre compte exactement des projets secrets autant que nocifs pour l'hôpital de Remiremont. Et puis une manifestation qui se prépare, dont les modalités pratiques seront indiquées, donc pour le 12 juillet au soir, fin d'après-midi. Voilà, au Champ de Mars à 18h, c'est ce que Ah oui, alors départ du Champ de Mars, mais bah après ça sera tourné en ville, bien sûr. Il y aura différents types de manifestations. Tout le monde y est invité, tout le monde a apporté sa contribution. Pourquoi pas son originalité, hein. Il y aura des pancartes par commune, il y aura etc. Bon, on verra, on vous donnera plus de renseignements plus tard. Sa bouteille d'eau s'il fait chaud. À 18h, ça ira. Oui.